إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc pour poursuivre dans le même sujet qu'on a expliqué ou qu'on a commencé à expliquer avec la conférence de Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet du statut de la Sunna dans l'islam, on continue dans le même thème, dans le même sujet, et on va donner maintenant quelques exemples de sahaba du messager sallallahu alayhi wa sallam et quel niveau, quel respect ils avaient pour la sunna, et montrer à quel point la sunna avait un statut très élevé pour eux. Et j'ai choisi donc pour vous donner des exemples à ce sujet-là, le livre, comme j'avais mentionné, le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui s'intitule « Hujjiyatu khabar al-ahad fil aqaidi wal-ahkam ». C'est un livre dans lequel Cheikh Rabi' hafizahullah mentionne donc l'importance de la sunna. Il mentionne les preuves de l'obéissance, les preuves de l'obligation d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam dans les versets du Coran et dans les hadiths. Puis dans le deuxième chapitre, dans la deuxième partie, il a intitulé Manzilatu sunna 'inda as-sahabati al-kiram, c'est-à-dire le niveau de la sunna chez les sahaba al-kiram, les nobles sahaba. فمن بعدهم من خيار الأمة وسادتها, ainsi que ceux qui sont venus après eux parmi les meilleurs de cette umma. Donc le cheikh, il va nous donner quelques exemples pour nous faire comprendre comment les sahaba agissaient vis-à-vis de la sunna et comment ils considéraient cette sunna comme étant une source de révélation et un des fondements dans les preuves de la sharia d'Allah. Donc le cheikh il dit, أولا منزلة السنة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Premier exemple, l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq رضي الله عنه. Le cheikh il dit, سألت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو سألت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أبو بكر, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت على أبي بكر وهجرته, فأبى عليها ذلك أبو بكر وقال, لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به, وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. Donc le cheikh il dit que Aisha, Fatima رضي الله عنها, la fille du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, elle est venue demander son héritage de ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait laissé. Et Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous n'héritons pas, c'est-à-dire nous les prophètes, on ne laisse rien en héritage. Ce que nous laissons est une sadaqa. Ce que nous laissons après nous est une sadaqa. Alors, Fatima, radiallahu anha, s'est mise en colère contre Abu Bakr. Hein, et elle a, elle a cessé de lui parler par la suite à cause de ça. Et malgré tout, Abu Bakr, radiallahu anhu, il est resté ferme sur cette position. Hein? Il est resté ferme sur cette position. Il a dit: je ne vais rien laisser de ce que suivait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ce qu'il pratiquait, ou parmi ce qu'il faisait. Donc, si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait quelque chose, eh bien, je vais le faire. Car je crains que si je l'abandonne, ou si j'abandonne quoi que ce soit de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait, eh bien je crains que en l'abandonnant je vais dévier. Donc Abu Bakr radiyallahu anhu, eh bien il ne laissait rien le détourner de l'application de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, même si les gens se mettaient en colère contre lui pour ça. Et il donne, le cheikh il explique, il dit: wa ka'annahu kana nasba 'alayhi qawlullah sallallahu alayhi qawlullah ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adhabun alim. Donc le cheikh il dit que c'est comme si Abu Bakr radiyallahu anhu avait placé devant ses deux yeux le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel il dit que ceux qui contredisent son commandement prennent garde qu'ils soient atteints d'une fitna ou qu'ils soient atteints d'un châtiment douloureux. Et ça, on l'a expliqué dans la conférence hier, qui est le verset 63 dans Sourate An-Nur. Ensuite, le cheikh il donne un autre exemple. Thaniyan, روى الإمام البخاري بإسناده إلى أبي وائل قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد يعني المسجد الحرام قال جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين قلت ما أنت بفاعل قال لما قلت لم يفعله صاحباك قال هما المرآن يقتدى بهما. Donc il rapporte une autre parole. Le premier hadith est rapporté par Al-Bukhari, celui où il y a la mention de Abu Bakr avec Fatima radiyallahu anhuma, et celui-là il est mentionné dans صحيح الاعتصام بسنة بالسنة et dans la musnad de l'imam Ahmad. Donc qu'est-ce que ça raconte maintenant? C'est que l'imam al-Bukhari il a rapporté avec son isnad jusqu'à Abi Wa'il qui a dit: je me suis assis avec Shayba dans cette mosquée, c'est-à-dire la mosquée al-Haram à la Mecque, et il a dit: je me suis assis auprès de Omar de la même manière que tu es assis avec moi. Et Omar a dit: je ne voudrais rien laisser, soit de l'or ou de l'argent, parmi les pièces d'or ou les pièces d'argent que j'ai reçues, excepté que je voudrais le distribuer parmi les musulmans. Donc il avait l'intention de prendre tout ce qu'il recevait comme argent ou comme or pour le redistribuer et le diviser entre les musulmans. Et Shayba lui a dit: ne le fais pas. Alors il lui a demandé pourquoi. Omar a demandé pourquoi. Et il a répondu tes deux compagnons ne l'ont pas fait, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiyallahu anhu. Et Omar ibn al-Khattab a répondu en disant: ce sont deux, les deux personnes qu'il faut prendre comme modèle. Ce sont les deux personnes qu'il faut prendre comme modèle et qu'il faut suivre. Ensuite, le cheikh, il dit à ce sujet-là, il commente, il dit: وَقَدْ يَكُونُ حُكْمُ الْمَسْأَلَةِ الْكَبِيرَةِ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ فَيَكْتَفِي الصَّحَابَةَ فِي الْاِسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا بِبَعْضٍ مِنَ السُّنَّةِ فَلَا يُسْمَعُ مُعَارِضًا وَلَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ لأن سنة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم جميعا حجة، وأي حجة مثل القرآن، ولها عندهم منزلة أي من وأي منزلة. Donc le cheikh il explique que parfois il y avait des questions très grandes, très sérieuses, hein, qui se présentaient. Et il est possible que le verdict dans, à propos de, ce, de cette question ou de ce sujet soit présent, qu'on puisse trouver le verdict dans le Coran et dans la Sunna. Toutefois, on constate que les Sahaba, ils se limitaient, ou bien ils étaient satisfaits, ou ils trouvaient que c'était suffisant de mentionner quelques preuves de la Sunna seulement. C'est-à-dire, malgré qu'il y avait des preuves à ce sujet, au sujet de cette question, dans le Coran et dans la Sunna, eh bien, ils se satisfaisaient d'une preuve de certaines parties de la Sunna pour répondre à cette question-là, sans se référer au Coran. Ce qui prouve que, pour eux, la Sunna était une preuve, tout comme le Coran. Parfois, c'est-à-dire qu'ils ne se référaient pas du tout au Coran, ils se limitaient seulement à la Sunna. Donc c'est une preuve que pour eux, la Sunna était une révélation et une preuve comme le Coran. Et on n'entendait de leur part aucune objection à ce sujet-là, ni de la part des Sahaba, ni de la part des Tabi'in. Parce que pour eux, cette parole était une preuve. Yani la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était pour eux une preuve comme le Coran, hein? Et il avait le même degré que le Coran. Ensuite il dit: وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب وقال عمر بن الخطاب كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله ما فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. Donc le cheikh il explique ici un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qui mentionne que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, Abu Bakr radiyallahu anhu a succédé, hein, l'a succédé après lui. Et un groupe d'entre les Arabes a rejeté l'islam. Hein, ils sont revenus à la mécréance après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, parmi ceux qui ont rejeté l'islam, parmi les gens qui ont cru en Musaylama al-Kadhab, ceux qui ont cru au faux prophète Musaylama, et également parmi les tribus arabes qui refusaient de payer la zakat, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr radiyallahu anhuma, il a dit: comment peux-tu combattre des gens alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il a dit: celui qui dit la ilaha illallah, alors il est protégé. Il est protégé contre moi dans ses biens et dans sa personne, excepté pour un des droits de la ilaha illallah. Et ensuite son jugement pour le reste est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire c'est Allah qui va le juger pour le reste. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a répondu à Abu Bakr, à Omar ibn al-Khattab. Il lui a dit: je jure par Allah que je vais combattre celui qui a fait une distinction entre la salat et la zakat. Hein? Il lui a dit que la zakat, c'est un des droits dans l'argent. C'est un des droits d'Allah dans l'argent. Et par Allah, s'il refuse de donner une corde, hein, ou une laisse ou quelque chose qu'ils utilisaient pour attacher leur chameau, s'ils refusent de le donner alors qu'ils le donnaient au messager d'Allah lorsqu'il était vivant, eh bien je vais les combattre pour avoir refusé de le donner. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit: je jure par Allah que à ce moment-là, quand j'ai vu la fermeté et la détermination de Abu Bakr radiyallahu anhu de combattre ces hommes, eh bien j'ai su que c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui avait ouvert le cœur d'Abu Bakr pour combattre ces gens, et j'ai su que c'était la vérité. Quand il a vu que Abu Bakr radiyallahu anhu était déterminé à les combattre et qu'il était ferme sur cette position là eh bien il a su que, hein, c'était la vérité. Et le cheikh il dit ensuite: inna kullan min Abi Bakr wa Umar qad ihtajja bis sunnah في حضور الصحابة الكرام وأقروهما على هذا الاستدلال وهما أفضل الصحابة وفي المسألة نصان من القرآن الكريم وهما قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وترجح رأي أبي بكر لأن مانع الزكاة أخل بشروط العصمة الواردة في الحديث الذي استدل به عمر وفي الآيتين المذكورتين وفي غيرهما. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique? Il dit que tous les deux, Abu Bakr et Omar, se sont basés sur cette sunnah en présence des nobles sahaba, et ils ont tous été d'accord avec l'argument et la preuve ramenée par Abu Bakr et Omar au sujet de cette question. Alors, hein, et on sait que ce sont ces deux sahaba, Abu Bakr et Omar, ce sont les meilleurs d'entre les sahaba. Ils ont ramené comme preuve ce hadith de Abu Huraira. Alors que sur cette même question, il y a deux versets dans le Coran qui en parlent. Mais ils n'ont pas mentionné ces versets. Ils se sont limités uniquement à rapporter le hadith, hein, comme argument. Et les deux versets en question, c'est le verset 5 dans Surat At-Tawbah et le verset 11, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et s'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils acceptent l'islam, c'est-à-dire si ces mushrikoun acceptent l'islam, ils se repentent du shirk, et qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat, alors laissez-les le chemin libre, laissez-leur le chemin libre. C'est-à-dire que il faut qu'ils respectent ces trois conditions, hein? Et dans le verset 11, et s'ils se repentent et établissent la salat et donnent la zakat, alors ils seront vos frères en religion. Ils seront donc vos frères en religion. Donc la position de Abu Bakr, c'était la position la plus vraie, la plus correcte. Pourquoi? Parce que la personne qui refuse de donner la zakat, elle a annulée ou là, elle a manqué à une des conditions qui fait en sorte que notre sein et nos biens soient protégés. Hein, et ça, c'est mentionné dans le hadith et c'est ce que Abu Bakr a mentionné comme argument par rapport au hadith que Omar ibn al-Khattab a mentionné. Et la preuve également qui est mentionnée dans ces deux versets-là supporte aussi cette signification-là. Wa shahid anna fi ihtijaj Abi Bakr wa Umar bis sunnah fi mas'alatin 'azimatin mansusin 'alayha fi al-Qur'an wa bi hudur as-sahabati al-kiram dalilan wadihan 'ala manzilati as-sunnah 'inda as-sahabati jami'an wa annahu la yunkaru 'ala ahad أو لا ينكر على أحد إذا سلك هذا المنهج وأن للمسلم أن يسلك هذا المنهج وله أن يجمع بين القرآن والسنة وله أن يكتفي بالنص من القرآن شريطة أن يكون استدلاله صحيحا بعيدا عن اتباع الهوى وتتبع المتشابهات كما هو فعل أهل الأهواء والزيغ ومنهم أعداء السنة وخصومها. Donc le cheikh il dit que le point dont on veut témoigner dans cet exemple, c'est le fait que Abu Bakr radiyallahu anhu et Omar ont utilisé comme argument et comme preuve la sunna dans une question qui est très grande et très importante et qui est mentionnée textuellement dans le Coran en présence des nobles sahaba. Et donc ça, c'est une preuve claire du statut de la sunna chez les sahaba, hein, chez tous les sahaba, du fait que aucun d'entre eux n'a dénoncé cette voie et cette méthodologie qu'ils ont adoptée d'utiliser la sunna comme une preuve en présence d'un texte du Coran et de se limiter à la sunna seulement. Car le musulman, hein, donc le musulman, s'il suit cette voie et qu'il prend les preuves de la sunna seulement, donc on ne peut pas le blâmer pour ça. Hein? Il a le droit de se limiter à la sunna. Et il peut réunir les deux aussi. Il peut réunir les preuves du Coran et de la sunna. Ou aussi, s'il veut se limiter au verset du Coran, il peut aussi se limiter à une preuve dans un verset du Coran, à condition que la façon dont il utilise le verset comme étant une preuve, soit une manière qui est correcte et qu'il s'éloigne de suivre sa passion et d'essayer de suivre les versets qui sont équivoques et qui peuvent être interprétés de diverses façons, comme le font les gens de la passion et de la déviation parmi les ennemis de la sunna et parmi les opposants de la sunna. Ensuite, le cheikh il dit « Walamma qal » ça c'est le quatrième exemple. لما قال معبد الجهني وجماعة معه في البصرة بالقدر وبلغ ذلك ابن عمر من طريق يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Donc le cheikh il dit que lorsque est apparu dans la ville de Basra un homme qui s'appelle Ma'bad al-Juhani ainsi qu'un groupe qui était avec lui parmi ceux qui nient la prédestination, qui nie al-Qadar. Donc ça, c'était les premiers individus qui ont ramené la bid'a des Qadariyah, des gens qui nient la prédestination. Donc lorsque ce groupe est apparu dans la ville de Basra, eh bien, ça c'est arrivé aux oreilles de Ibn Omar, hein, Abdullah Ibn Omar. Et il a entendu ça de la part de Yahya Ibn Ya'mar et de Humayd Ibn Abdurrahman Al-Humayri. Ces deux parmi les tabi'in qui sont venus voir Ibn Omar pour lui poser la question au sujet de Ma'bad al-Juhani et de son groupe qui nie la prédestination. Alors Ibn Omar radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma, il a dit Si tu rencontres ces gens-là, alors informe-les que je suis innocent d'eux, je me désavoue d'eux, et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Hein? Et ce que Abdullah ibn Omar dit en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que si l'un d'entre eux dépensait la quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud en sadaqa, Allah n'allait rien accepter de cette sadaqa jusqu'à ce qu'ils croient en Al-Qadar, jusqu'à ce qu'ils acceptent de croire en la prédestination. Après, le cheikh il dit: ثم روى عن أبيه الحديث المشهور الذي فيه سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلته إجابة شافية ومن إجابته عن السؤال عن الإيمان قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le cheikh il explique que qu'est-ce que Ibn Omar a fait par la suite. Il lui a répondu, hein, il a continué sa réponse en disant un hadith qui était rapporté par son père, hein, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est un hadith célèbre, qui est le hadith de Jibril, le hadith dans lequel Jibril est venu poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est l'iman et qu'est-ce que l'ihsan. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu de façon complète et de façon suffisante à chacune de ces questions. Et quand il a répondu au sujet de la foi, il a dit que c'est de croire en Allah, de croire aux anges, de croire aux livres, de croire aux messagers, de croire au jour dernier et de croire en la prédestination. Hein? Donc c'est pour dire qu'il a répondu à cette bid'a et à cette négation du qadar par un hadith, alors que le qadar il est mentionné dans le Coran. Hein? Mais il n'a pas mentionné le verset du Coran, il a mentionné un hadith. C'est la preuve que pour les sahaba, la sunna est une preuve de la même, au même degré que le Coran, que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit « والشاهد أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر اكتفى في هذه المسألة العقدية الكبيرة بالاحتجاج بالسنة النبوية مع أن هناك آيات في الإيمان بالقدر وفي هذا دليل على منزلة السنة عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. Donc c'est ce que je viens de dire tout à, juste avant en français. والأدلة من تصرفاتهم كثيرة لا يتسع المقام لسردها. Donc les preuves au sujet de ces façons d'utiliser la sunna, eh bien elles sont nombreuses et on ne peut pas toutes les mentionner, mais le cheikh il mentionne quelques-unes encore à ce sujet-là. Il dit wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar anna Abdullah ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tamna'u nisa'akum al-masajid إذا استأذنكم إليها قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. Donc on voit un autre exemple ici qui est l'exemple numéro 5 de Salim ibn Abdullah ibn Omar, selon Salim le fils de Abdullah ibn Omar, que Abdullah ibn Omar a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui disait: n'empêchez pas vos femmes d'aller aux mosquées si elle vous demande la permission d'y aller. N'empêchez pas vos femmes d'aller dans les mosquées si elle vous demande la permission d'y aller. Alors, Bilal ibn Abdillah, il a dit, par Allah, il jure par Allah, je vais les empêcher d'y aller. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, alors, Abdullah ibn Omar, quand il a entendu ça, Bilal c'est son fils, quand il a entendu dire ça, il l'a insulté d'une insulte qu'il n'a, il n'a jamais insulté quelqu'un de cette façon-là. Il l'a insulté d'une façon très dure, il n'a jamais insulté quiconque de cette manière. Et puis il lui a dit, je t'informe de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait de les laisser aller lorsqu'elle demande la permission, et toi tu dis, par Allah je vais les empêcher, en voulant dire, comment oses-tu contredire la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté dans Sahih Muslim. C'est un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, qui montre le comportement et l'attitude des sahaba vis-à-vis de la sunna. Et comment ils avaient un grand respect pour la sunna, et comment ils se mettaient en colère lorsque des individus essayaient d'opposer la sunna. Le cheikh il dit ensuite, وعن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخف عن الخفض قال فإنها لا تصيد صيدا لا تصيد صيدا ولا تنكي ولا تنكي أو ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتقفأ العين قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا رواه مسلم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Saïd ibn Jubayr, qu'un proche d'Abdullah ibn Mughaffal, Abdullah ibn Mughaffal, a fait, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, nous on appelle ça une pichenote au Canada, je ne sais pas ici comment vous appelez, c'est si quelqu'un il prend une pierre, une petite pierre dans sa main, puis il fait comme ça avec son doigt, il le met entre son pouce et son doigt, un autre doigt, et puis il l'envoie comme ça avec son doigt, je ne sais pas comment vous l'appelez. Pichnot, la même chose. Ah bon, ben c'est ça. Donc, il faisait ça. Il envoyait des pichnotes comme ça avec des pierres. Alors, il l'a interdit de faire ça. Il lui a dit, fais pas ça. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de faire des pichnotes. Alors, il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tu ne peux pas chasser avec. C'est-à-dire, si tu fais des pichnotes, tu vas rien attraper en, comme si tu veux chasser un animal ou quelque chose, eh bien c'est pas suffisant pour faire de la chasse, et en même temps tu peux pas faire du tort à un ennemi, dans le sens que c'est pas assez fort pour blesser un ennemi, et en même temps tu peux casser une dent ou tu peux crever un œil. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire ce genre de choses. Alors la personne a recommencé à le faire encore malgré qu'il a entendu le hadith. Alors il a répondu à cette personne en disant, je te donne le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui interdit de faire des pichenottes, et tu recommences à le faire, je ne te parlerai plus jamais. Ça c'était la réponse qui était mentionnée, et ça c'est rapporté dans Sahih Muslim. Après il donne un autre exemple. Il dit, رحل كل من أبي أيوب الأنصاري وجابر بن عبد الله الأنصاري مسيرة شهر من أجل حديث واحد وهذه منزلة السنة النبوية عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار على نهجهم التابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى في تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجون بها في كل جوانب الدين العقدية والعملية ويعملون بها في كل شؤون حياتهم ويشدون الرحال إلى مختلف البلدان لحفظها وتدوينها ونشرها وتعليمها كما سبقت الإشارة إلى ذلك. Donc qu'est-ce qu'il dit maintenant le Cheikh? Il dit que Abu Ayyub al-Ansari et Jabir ibn Abdullah al-Ansari, tous les deux, on a rapporté à leur sujet qu'ils ont voyagé pendant un mois pour aller trouver un seul hadith. Un seul hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Aujourd'hui, tu rentres sur Google, tu écris le hadith il sort. Hein? À l'époque, ils devaient faire des voyages pour arriver à trouver un seul hadith. Et par un voyage d'un mois à dos d'âne ou à dos de chameau. Hein? Et ce n'était pas facile comme le voyage aujourd'hui. Donc, ça nous montre l'importance de la sunna chez les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui les ont suivis par la suite, parmi les tabi'oun, eh bien, on retrouve chez eux la même chose. Hein, ceux qui les ont suivis parmi les tabi'oun et les imams de la guidance, parmi les ulama, ils avaient le même respect pour la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'utilisaient comme preuve dans toutes les questions de la religion, que ce soit dans la croyance ou dans l'application, dans les pratiques religieuses. Et ils l'appliquaient dans tous les aspects de leur vie. Et ils faisaient des longs voyages dans le but d'arriver à obtenir la connaissance de la sunna pour la mémoriser et pour la mettre en écrit et pour la propager et pour l'enseigner, comme on a mentionné cela précédemment. Ensuite, le cheikh dit « وَمَنْزِلَةُ السُنَّةِ عِنْدَ التَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفُقَهَا » Maintenant, il donne des exemples et il mentionne quelques points au sujet du degré de la sunna, ou à quel point les gens avaient du respect pour la sunna parmi les tabi'in et les gens du hadith et les fuqaha, les savants de fiqh. Premier point qu'il mentionne, comme on a mentionné tout à l'heure, اهتموا بحفظها والتفقه فيها والتعبد بها فتجد الواحد منهم يحفظ ألوف الآلاف أو الألوف الألوف من الأحاديث. Tu vois que ils avaient un grand respect pour la sunna et ils donnaient beaucoup d'importance à la mémorisation et à la compréhension du hadith et ils l'utilisaient dans leurs adorations. Ils utilisaient le hadith pour établir leurs adorations. Et c'est pour ça que tu trouves que certains d'entre eux, parmi les ulama de hadith, ils mémorisaient des milliers et des milliers de hadith. Ensuite, il dit, comme deuxième exemple, اهتموا بالرحلة في سبيلها فتجد الكثير منهم يرحل إلى البلدان المختلفة ليتلقاها من أفواه العلماء بها. حتى إن بعضهم لا يرحل مسافة شهر من أجل حديث واحد. يعني comme on a mentionné tout à l'heure, tu vois à quel point ils donnent de l'importance à la sunna par le fait qu'ils font des longs voyages pour obtenir parfois un seul hadith. Et ils vont de ville en ville, hein, de différentes contrées, pour justement entendre les hadiths directement de la bouche des ulama. Hein? Et pour un seul hadith, il faisait des voyages durant des mois. Yani ça, c'est quelque chose qui montre à quel point ils avaient, yani, donné de l'importance à cette sunna. Le troisième point, اهتموا بتدوينها في المصنفات والجوامع والمعاجم والمسانيد وكتب الصحاح والسنن. Donc, ils donnaient de l'importance aussi au fait de mettre par écrit les hadiths dans les différents livres, les différentes sortes de recueils de hadiths, soit les jawami' ou les ma'ajim ou les masanid ou les livres qui contiennent les hadiths authentiques, sihah, ou bien les sunan également. Le point numéro 4, اهتموا بتواريخ رجالها من ولادتهم إلى وفياتهم وبيان أحوالهم من قوة وضعف وأحوالهم في شيوخهم أيضا من قوة وضعف وبيان أحوال الحفاظ المتقنين والنقاد المبرزين وأحوال من تغير حفظه ومتى حصل هذا التغير ومن روى عنهم قبل التغير وبعده كل ذلك في كتب الرجال المشهورة بل خصصوا كتبا في الحفاظ وطبقاتهم وفي المدلسين وطبقاتهم وفي المختلطين وفي الضعفاء والمتروكين وألفوا كتبا في علومها وألفوا الكتب في الوضع والوضعين كل ذلك نصحا لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين وحفاظا على السنة النبوية وحماية لها وتمييزا بين مقبولها ومردودها. Donc le cheikh il explique que également les ulama ont donné de l'importance aussi au fait de rassembler les historiques des différents narrateurs et des différents hommes qui rapportent les hadiths, comme on en a parlé à la fin du dernier cours. Ils mentionnent leur date de naissance, la date de leur mort, ils expliquent leur état, est-ce qu'ils étaient forts ou faibles. Ils mentionnent également l'état de leur chouyour, de ceux de qui ils ont rapporté les hadiths, est-ce qu'ils étaient forts ou faibles. Ils mentionnent également l'état des différents mémorisateurs de la sunna parmi ceux qui maîtrisaient les différentes sciences du hadith, parmi les critiques qui sont les plus en avant. Ils mentionnaient également l'état de ceux dont la mémoire avait changé, hein, parce que parfois il y a certains narrateurs, au début de leur vie, bon, ils avaient une mémoire qui était très forte, puis avec l'âge, parfois, ils perdaient un peu leur mémoire, ou bien, comme c'est arrivé à certains d'entre les ulama qui se basaient sur leurs écrits, parce qu'il y en a certains qui écrivaient leurs hadiths, donc les ulama prenaient leurs hadiths lorsque c'était basé sur l'écriture, qu'est-ce qu'ils avaient pris dans leurs livres. Toutefois, comme par exemple Ibn Luhay'a, un des grands imams de l'islam, eh bien, lui, il se basait sur ses livres. Mais lorsque ses livres ont pris feu et qu'il n'avait plus de référence avec ses livres, eh bien, il a commencé par la suite à rapporter de sa mémoire. Et il mélangeait parfois les hadiths. Alors, à partir de ce moment, les ulama ont cessé de prendre ces hadiths. Et donc, on retrouve des livres dans lesquels il y a la mention justement de ceux dont la mémoire a changé et à partir de quand elle a changé et qui avait rapporté de ces savants-là avant que leur mémoire change et qui avait rapporté d'eux après. Hein, et donc, ça, tout ça c'est mentionné en détail. De même qu'on retrouve des livres au sujet des rapporteurs de hadiths qui sont les plus connus. Et certains savants, comme on l'a expliqué déjà, ont fait des livres qui sont spécifiquement sur les mémorisateurs et leurs différentes catégories ou leurs différentes, selon leur période, hein, selon leurs différentes périodes, les tabaqat. Et ils ont également écrit des livres sur les gens qui font le tadlis et leurs différentes périodes aussi, et ceux qui faisaient partie des faibles ou des matroukines ou ainsi de suite. Donc tout ça c'est des livres qui ont été écrits chacun dans sa science, hein, chacun dans son domaine, de même que les hadiths au sujet de ceux qui fabriquent des hadiths et qui inventent des faux hadiths. Tout ça a été rassemblé et mis par écrit dans des livres qui sont spécialisés dans ce domaine là et tout ça ils l'ont pas fait pour de l'argent. Hein? Ils n'étaient pas payés pour écrire ces livres-là. C'est pas comme aujourd'hui, les gens, ils écrivent des livres comme des best-sellers, hein? Puis ça se vend dans les maktabats, ils font du commerce avec les livres. Maintenant, eh bien, à l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, ils écrivaient tout ça, le wajhillah, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils recevaient pas un sou pour ça. Hein? Ils faisaient pas ça parce qu'on les payait pour faire ça. Ils faisaient ça pour la religion d'Allah. Parce qu'ils considéraient que c'est une responsabilité pour eux devant Allah subhanahu wa ta'ala de préserver la religion d'Allah et de défendre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils faisaient ça par sincérité pour Allah, pour son livre et pour son messager et pour les croyants et pour préserver la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et pour la protéger et pour distinguer entre ce qui est acceptable de ce qui est rejeté de cette sunna. Ensuite il dit وتحقق بهذه الأعمال وعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et donc c'est par cette méthode que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réalisée. Dans le verset 9 dans sourate Al-Hajr qu'on avait mentionné dans le cours précédent aussi, nous avons fait descendre le rappel et certes nous allons le préserver. ومما حدا بأحد الأئمة من أحد بأحد أئمة الحديث وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي أن يقول ولو لم يكن الإسناد وطلب هذه الطائفة له لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في سائر الأمم وذلك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما حفظت هذه الأمة حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف ولا واو كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن لحفظ هذه الطائفة السنن على المسلمين وكثرة عنايتهم بأمر الدين ولولاهم لقال من شاء ما شاء. Donc ça c'est une parole de Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti dans son livre Al-Majruhin. Il dit que si ce n'était de l'isnad et le fait que un groupe d'entre les musulmans, un groupe d'entre les ulama se sont consacrés à l'étude des hadiths et de l'isnad, eh bien on aurait vu plein de changements se produire dans cette umma, de la même manière que des changements se sont produits dans les autres nations et les autres peuples qui ont précédé. Hein? C'est-à-dire que on n'a jamais vu une autre nation préserver sa religion de tout changement comme cette umma l'a fait. Hein? À un point tel que si quelqu'un essayait de rajouter dans une sunna parmi les différentes sunnas du messager sallallahu alayhi wa sallam un seul alif ou un seul waouh, eh bien il n'allait pas être capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait des narrateurs et des rapporteurs de hadiths et des mémorisateurs de la sunna qui mémorisent les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme ils ont mémorisé la fatiha. Ils mémorisent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme chacun d'entre nous a mémorisé sourate al-Fatiha. Donc, rien ne peut être ajouté, ni un alif, ni un waw. Et il dit, la même manière que quelqu'un n'a pas pu non plus rajouter quoi que ce soit dans le Coran. Hein? Eh bien, ils n'ont pas pu rajouter quoi que ce soit non plus dans la Sunna. Ça, c'est parce que ce groupe a justement fait des efforts pour préserver les Sunan pour les musulmans. Et à cause du fait qu'ils avaient un grand intérêt pour tout ce qui a rapport avec la religion. Et si ce n'était pas d'eux, chacun aurait pu dire ce qu'il veut dans la religion. Donc ça c'est ce qui vient conclure les paroles donc des salafs à ce sujet et les explications du cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali à ce sujet aussi dans cette partie de son livre qu'on a lu ensemble. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah et pour les cours et on espère que ça a été bénéfique hein, et qu'on a tous profité de ce qu'on a lu ensemble des paroles de nos ulama Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi' et que Allah subhanahu wa ta'ala les préserve pour cette umma et leur prolonge la vie dans la piété, dans la science et dans la sincérité, dans la défense de la sunna et de l'islam et qu'il nous fasse ressusciter au jour de la résurrection avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba et avec les ulama de cette religion et qu'il nous augmente en science et en sincérité. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.